Troisième partie. La vaisselle. Oh mon Dieu! Je n'ai pas d'argent pour payer l'addition. Comment? Tu m'avais dit que tu avais ton portefeuille. Je croyais que je l'avais pris, mais je ne l'ai pas. Nous pouvons offrir de laver la vaisselle. Ça, non! À la maison, c'est moi qui fais la vaisselle. Mais quand nous sortons, c'est à toi de la faire. Au revoir.